besoin de temps à court de souffle. Le sommet se dessine au détour de sa hanche. Laissez tomber toutes les bannières, nous ne ferons pas la guerre, car ici se marient les merveilles de la chair, car ici se séduisent les fées de notre rêve. Autour du temps gravitent les lois. L'esprit a ses forces, mais aussi ses émois parfois. Fuyez, sauvez tout ce qu'il faudra. Nous n'avons pas le choix, car ici se courtisent les nobles de la loi. Car ici se détruisent les pauvres. Cette vie n'appartient qu'à ceux qui en ont envie. Et je te laisse ma détresse, car il n'y a plus rien ici que je veuille, à part ton envie. Cette vie n'appartient qu'à ceux qui en ont envie. Et je te laisse ma détresse, car il n'y a plus rien ici que je veux.